Je recueille les dons sur PayPal. Au fil des ans, j'ai mis à la disposition du public sur Internet au-dessus d'une cinquantaine de textes sur mon blog davidlevesquesupra.wordpress.com et d'une centaine d'enregistrements audio, dont des entrevues avec des invités, pouvant être écoutés sur YouTube et téléchargés en format MP3 à partir d'une page du site web archive.org. Vous allez retrouver le lien là, en bas de cet enregistrement. S'il y en a qui apprécient mon matériel, je vous propose de me faire un don à partir du site web de PayPal en versant un montant d'argent de votre choix en dollars canadiens, car je vis au Canada, à mon adresse courriel davidlevesquesupra@commercial.com que vous retrouvez aussi dans la section en bas de cet enregistrement. Concernant le service de paiement de PayPal, c'est un site de transactions sécurisées à l'échelle internationale. Si vous n'avez pas de compte PayPal, vous pouvez vous en créer un gratuitement au site web www.paypal.com/fr. Nous vivons sur un plan matériel. Et pour mettre à la disposition du public des enregistrements et textes, cela m'occasionne des frais. Mon abonnement mensuel au service Internet et le renouvellement et la mise à jour de mon matériel informatique servant à produire les enregistrements, ordinateurs, logiciels et micros, me coûte de l'argent. Donc, s'il y a des gens parmi vous qui bénéficient de mon matériel que je produis au fil du temps et qui ont la vibration de me faire un don, vous êtes les bienvenus pour le faire en faisant un virement d'argent via votre compte PayPal vers le mien, lié à mon adresse courriel davidlevesquesupra@commercial.com. Merci.